Chapitre 17, deuxième vague. De l'obscurité à la lumière, jusqu'à l'état bouddhique, l'état de Bouddha, l'état de Christ. Donc, pour pouvoir faire ce travail sur l'état de la lumière véritable, il faut évidemment commencer par l'état d'obscurité. Pour comprendre l'état d'obscurité, il faut comprendre ce que l'on appelle l'état d'initiation lumineuse, the white initiation, l'initiation de la lumière blanche, qui est différent de l'évolution spirituelle. Pour bien comprendre l'évolution spirituelle, il est clair qu'à partir du moment où vous arrêtez de fumer, à partir du moment où vous arrêtez de boire de l'alcool, à partir du moment où vous décidez d'être végétarien, c'est déjà de l'évolution spirituelle. À partir du moment où vous lisez des livres qui vous emmènent vers une certaine évolution, c'est déjà de l'initiation spirituelle. L'initiation spirituelle, l'évolution spirituelle, si vous préférez, c'est le fait d'avancer vers plus de compréhension vers la lumière, quel que soit votre niveau d'évolution, quelle que soit votre compréhension, si vous êtes un peu meilleur, un peu plus tourné vers la lumière, c'est déjà de l'évolution spirituelle. L'initiation blanche, l'initiation vers la lumière blanche, c'est que vous allez apprendre à dire non à toute forme d'obscurité. Et ça, c'est très différent. Parce que l'évolution spirituelle, c'est que vous commencez à dire non à certaines choses. Par exemple, manger de la viande avec le sang des animaux, avec la souffrance des animaux, avec la détérioration de la planète Terre, évidemment, c'est l'évolution spirituelle. Et dans ce cas-là, vous allez, une fois que vous êtes végétarien, apprendre à dire non à toute forme de massacre des animaux. Donc c'est non à toute forme de viande. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation par rapport à ça. C'est non à toute forme de violence sur la planète Terre, sur la pollution et sur la vie des animaux. Maintenant, ce n'est pas parce que vous dites non au massacre des animaux que vous dites non à tout le reste. Donc on va dire que le jour où vous êtes végétarien, vous dites non à toute forme de violence animale. Et donc c'est une initiation de la lumière blanche par rapport au végétarisme. Ceci étant, le végétarisme vous oblige à accepter malgré tout, en théorie, le lait, par exemple, le fromage. Or, le lait, le fromage, eh bien, c'est une acceptation de violence, parce que pour produire le lait, le fromage, vous êtes bien heureux qu'il y ait des gens qui bouffent les veaux qui devront être tués de façon à ce que vous puissiez avoir du lait. Donc, c'est quand même encore de la violence. Donc, le végétalisme va être un pas de plus dans le refus de la violence. Et ce faisant, petit à petit, vous avancez vers l'initiation de lumière blanche vis-à-vis de toute forme de violence animale par rapport aux animaux. Et en faisant tout cela, vous découvrez ce qu'est l'initiation blanche. Maintenant, l'initiation blanche ne touche pas simplement les animaux, elle touche aussi la violence sur les enfants, la violence de la société, la violence de l'argent, la violence démoniaque sur toutes ses formes. Vous devez comprendre que s'il est juste et bon d'aimer vos parents par rapport à l'amour, vos parents sont des disciples de l'obscur. Ils proviennent d'une société négative. Ils ont des croyances négatives. Ils ont appris les mêmes mensonges que les autres à l'église. Ils ont appris les mêmes mensonges par rapport à l'argent, par rapport à la soumission, par rapport à l'autorité. Eh oui, la vie, c'est d'accepter. Il faut bien mettre du vin, de l'eau dans son vin, ou du sang dans ses végétaux. Il faut bien accepter ça ou ça. Ah, puis aimer, il ne faut pas rêver par rapport à l'amour. Hein. Je veux dire, l'amour, c'est aussi quand même d'accepter la violence de ma belle-mère, les mensonges de ma belle-mère, ou la violence des belles-mères, de la belle-mère de ma femme. Et oui, bien sûr, c'est la même chose, hein. C'est un système croisé. C'est tout aussi noir d'un côté que de l'autre, ou du beau-père, hein, vous inquiétez pas, les beaux-pères, je vous oublie pas. Et puisque vous-même, les beaux-pères et les belles-mères, vous avez reçu l'autorité de vos belles-mères et de vos beaux-pères, eh ben vous allez avoir le droit de redonner la même chose. La véritable initiation, c'est de briser la chaîne. Vous allez rejeter et refuser ce que vous avez dû subir vous-même. Souvent, je travaille avec des Espagnols. Et les Espagnols, ils étaient sous l'autorité de Franco. Et là, je ne parle pas de très loin, hein, parce que les gens de 60 ans d'aujourd'hui, ils étaient sous l'autorité de Franco, directement, physiquement. Hein. Et pourtant, ces gens-là, ils vont être des fascistes absolus. Oui, auprès de leurs enfants, ils vont être là, ils vont dire « c'est comme ça, tu manges de la viande, tu fais ça, tu écoutes », et ainsi de suite. Comment pourrait-on dire qu'on a détesté Franco et son autorité fasciste si soi-même on exprime dans sa famille une autorité fasciste totale? C'est parce qu'on ne l'a pas refusé. On était obligé de l'accepter par puissance, par autorité, hein, et puis on l'a subi et maintenant on la redonne. Parce que finalement, c'est pas si mal, hein, l'autorité de Franco. Je travaille avec beaucoup d'Allemands. Et les Allemands, une chose qu'ils ont énormément, c'est l'autorité. Avec l'autorité de Hitler, comment pourrait-il accepter d'exprimer une autorité? Il devrait être à fond dans la tolérance et la liberté. Et pourtant, les Allemands sont extrêmement autoritaires. C'est comme ça et pas autrement. Si mes parents ou mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents ont haï l'autorité de Hitler, comment auraient-ils pu éduquer leurs enfants dans l'autorité? Ils ont éduqué leurs enfants dans l'autorité qui est passée à la génération suivante, parce qu'ils étaient d'accord avec l'autorité de Hitler. Sinon, je fais le contraire de ce que j'ai détesté, que cela provienne de Franco, que cela provienne de Hitler. Donc, encore une fois, la véritable initiation, c'est de briser la chaîne. Je ne jette même pas la pierre aux gens qui ont accepté. Ils auraient pu se battre, mais ils ont accepté. Ok, très bien, ils ont accepté. Mais au moins, à un moment, il est temps que je démasque mes parents et que je dise, ok, ils ont accepté cette autorité, ils l'ont transmise, mais moi, j'en veux plus. Je n'imposerai pas le pouvoir à mes enfants. Mais pourtant, le pouvoir passe. En Espagne, le pouvoir passe. En Allemagne, le pouvoir passe. Et on pourra justifier ce pouvoir parce que nos parents et nos grands-parents vont nous apporter la vérité. La vérité de leur point de vue. Hein. Par exemple, la France, c'est un pays démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, quand les Allemands sont venus, hein, tout le monde était contre Hitler, bien entendu. Et tout le monde se battait contre le fascisme. Eh bien, quand on fait des recherches historiques, on découvrira que 1% de la population était contre Hitler. 1% de la population française. C'est statistique officielle. Et que Hitler, qui était quand même assez avare de compliments, surtout pour les étrangers, puisqu'il était coupable de ne pas être allemand, il a gratifié la police française de l'extraordinaire efficacité égale aux meilleures sections SS pour capturer les juifs en France. Eh oui, la délation allait bon train. Et j'ai mon grand-oncle, je crois, qui était policier en ce temps-là, et qui disait... Bien sûr qu'on allait arrêter des gens, parce qu'on recevait mais des sacs de délation, de lettres de délation tous les jours, et on en prenait une ou deux, et le reste on brûlait. C'est pas mal, hein, pour un grand pays qui luttait contre le fascisme allemand. C'est comme ça. Quand mon père a fait la guerre, il était là au moment de la libération, et il a dit à toutes les fenêtres, il y avait les drapeaux FFI, Force Française d'Intervention. C'est marrant, tout le monde était FFI. Mais dans les statistiques officielles, il y avait 1% qui était contre Hitler. Même pas 1% qui était FFI, hein. 1% qui était contre Hitler. Et tous ces mensonges, eh bien, c'est ce qui va structurer notre ego. C'est ce qui va structurer nos croyances. C'est terrible. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si nous avons comme devoir d'aimer nos parents, nous avons aussi comme devoir de ne pas croire en nos parents, de ne pas croire en notre pays, de ne pas croire en tous ces mensonges qui ne sont que des manipulations sans aucune preuve, hein. Moi, je pourrais dire que j'étais là pour les manifestations de 68 et je me suis battu pour la liberté. En 68, j'avais 8 ans, hein, j'aurais eu du mal. Mais bon, si j'ai envie de paraître cool, je peux dire ça aussi, hein. Et c'est pas mes enfants qui voudraient le contraire, ils n'étaient pas là. Comment voulez-vous qu'ils sachent? À moins qu'ils prennent une calculatrice et qu'ils calculent les dates. Voilà, donc c'est facile de présenter à nos enfants, de justifier toutes les monstruosités qu'on peut en disant « Ah oui, mais moi je me suis battu pour la démocratie ». Il y a un élève qui discutait avec moi aujourd'hui qui me disait que sa mère lui décrivait qu'elle s'était toujours battue contre Franco. Alors je dis oui, mais peut-être, mais dans ce cas-là, c'est une femme qui est à fond pour la liberté, pour la démocratie, et aujourd'hui encore, elle se bat contre l'autorité de l'Europe, elle se bat contre le mauvais traitement, l'horrible traitement qu'on réserve aux réfugiés africains en Espagne, ainsi de suite. Elle me dit non, elle s'en fout totalement, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est sa maison, son pouvoir, son argent. Je dis, bah alors, par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à Franco, j'ai un doute. Surtout que le mari, donc le papa, il s'appelle Franco. Bon, c'est pas le même, hein, mais ça veut dire que les parents, ils ont appelé leur enfant Franco. Et elle s'est mariée avec un Franco, pour quelqu'un qui détestait les Franco. Elle s'est mariée avec le fils d'une famille qui adorait Franco, pour appeler leur fils Franco quand même, hein. Bon, donc là, mon esprit Colombo a un petit doute quand même. J'ai un petit doute par rapport à tout ça quand même, hein. Et si on fouille dans les familles, à droite et à gauche, on trouve que ça. Et ces pauvres familles, elles ne sont même pas coupables, les pauvres. Ils viennent d'un monde obscur, diabolique. On saigne à blanc le continent africain pour tout leur voler. Mais quand les réfugiés africains arrivent en France, on dit qu'on ne veut pas d'eux. Parce qu'ils viennent nous voler notre pain. Attendez, on leur a tout volé, hein. On leur a tout volé. L'or, le pétrole, les êtres, hein, puisqu'il y avait aussi l'esclavagisme, tout. On leur a tout pris. Jusqu'à la vie, jusqu'à leur famille, leur essence, leur identité. Ah, mais maintenant, ils viennent voler notre pain. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que dans cette façon... très très subjectif, ce sera très difficile de chasser en nous l'héritage du mal, puisqu'on n'est pas capable de voir le mal dans notre pays et dans notre héritage familial. Donc ça ne veut pas dire que vous devez détester vos parents, mais ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Et à moins qu'ils aient vécu une initiation de lumière blanche, c'est-à-dire où on dit non à toute forme de mal, vos parents sont tournés vers le mal. Et donc, vous aussi. Jusqu'au jour où vous découvrez la véritable lumière, et grâce à l'initiation dans la lumière blanche, vous apprenez à dire non à toute forme d'obscurité. Et pour ça, eh bien, il faut démasquer votre héritage, votre famille, votre pays, votre philosophie, votre religion, et ainsi de suite. Et c'est un dur chemin. Car en fait, il faut que vous compreniez que vous êtes, en essence, d'âme, des êtres de lumière, des êtres d'amour, des êtres de force, de puissance, de pardon. Et dans votre évolution, vous avez deux possibilités. Soit vous croyez en votre ego, en votre héritage, en votre société, en votre famille, et vous êtes des êtres obscurs. Soit vous vous tournez vers la lumière, vers votre âme, et vous êtes des êtres tournés vers la lumière. Mais vous ne pouvez pas être tourné vers votre société, vers votre famille, vers les mensonges de votre famille, les dénis de votre famille, les dénis de votre société et prétendre que vous êtes tourné vers la lumière. C'est impossible. Si vous êtes avec la lumière, vous êtes contre les héritages de votre société et contre les héritages de votre famille. Vous avez démasqué toute chose. C'est simple, triste, mais très efficace. Pour aller vers l'état de lumière, vous devez comprendre que vous êtes des êtres de lumière. À l'âge de 2 ou 3 ans, vous voulez que tout le monde soit heureux, que tout soit vivant, même vos nounours. Mais aujourd'hui, la Terre n'est pas vivante car vous avez besoin de beefsteak. La Terre ne craint pas la pollution car vous avez besoin de luxe. Il est arrivé quelque chose à votre état divin. Et ce quelque chose qui est arrivé à votre état divin, c'est une quantité gigantesque de diablerie, de mensonges et d'obscurité pour faire taire votre état divin. Car tout ce qui en vous ne vous permet pas de manifester votre lumière est un état de croyance négatif. Par l'enseignement négatif que vous avez reçu à travers votre famille, à travers la société, à travers l'école, à travers la politique, à travers les médias, à travers Internet, à travers tout, partout. Donc, en démasquant l'obscurité qui règne en vous, pour la plupart du temps, vous démasquez l'état de lumière qui existe en vous et qui n'est pas en droit d'être manifesté par la puissance de l'obscurité que vous avez reçue. Si vous êtes fort, puissant, courageux, que vous relevez tous les défis, que vous n'avez pas peur, que vous apprenez perpétuellement, que vous aidez, que vous aimez, que vous faites votre révolution perpétuellement, culturelle, spirituelle, que vous considérez, reconsidérez vos capacités perpétuellement, alors vous êtes complètement vers la lumière. Si vous êtes prêt à ne jamais négocier vers l'obscur, en acceptant de la viande, de la drogue, de la pollution, du pouvoir, des mensonges, des manipulations, vous dites non à tout. Vous n'acceptez pas que quelqu'un souffre à côté de vous, qu'un animal soit dans votre assiette, qu'un être agonise à côté de vous parce qu'il souffre, parce qu'il est perdu, parce qu'il croit des mensonges, qu'une femme soit traitée comme de la merde parce que c'est la religion qui le dit, parce que n'importe quoi, que vous dites non à tout. Alors, vous manifestez votre état de lumière, votre connaissance de lumière, votre vibration de lumière. Vous êtes en paix avec vous-même. Voyez-vous, quand vous expérimentez une NDE, qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente en français, vous basculez. Votre cerveau ne fonctionne plus, vous n'avez plus d'oxygène, vous n'avez plus de sang qui circule, et dans certains cas, même le cerveau a été gelé pendant certaines opérations, c'est arrivé, avec une certaine PAM, j'ai oublié son nom de famille, mais... Et pourtant, dans ces états où le cerveau ne fonctionne plus du tout, les gens passent à un état de fonctionnement du cerveau bien supérieur. Vous êtes là, d'un seul coup, vous savez, vous connaissez l'origine de l'univers, vous êtes capable de regarder votre vie entière, de la juger, de la peser, de la mesurer, et vous êtes tous tournés vers cette conscience qui dit « Est-ce que ta vie valait le coup ? Comment as-tu aimé ?» Vous êtes capable de savoir ce que le chirurgien qui vous opère pense, quels sont ses problèmes, c'est de la télépathie. Vous êtes capable de savoir ce qui se passe dans la salle d'à côté et parfois dans le continent d'à côté. Et vous êtes en même temps capable de voyager dans des dimensions supérieures où vous découvrez l'essence même de l'amour, de la vie et de l'énergie. Vous avez vécu avec un cerveau, ou si vous préférez un ordinateur analytique, car aussi rapide que soit l'ordinateur, il passe chaque solution les unes après les autres. C'est le cerveau analytique, c'est l'ordinateur analytique qui existe aujourd'hui. Quand vous passez dans cet état de EMI, vous passez dans un cerveau quantique qui est capable non pas de passer très rapidement chaque possibilité les unes derrière les autres, mais tout en même temps, plein d'états de conscience et de dimensions analysées, perçues et reçues en même temps. Vous savez ce que les gens font, où ils sont, ce qu'ils pensent, et vous savez ce qui se passe ici, maintenant, partout en même temps, dans l'esprit de chacun, et vous visitez en même temps des états supérieurs. Donc en d'autres termes, votre cerveau, votre ordinateur, qui est très performant hein, pour analyser, pour peser et mesurer, vous le débranchez, vous enlevez la batterie et il devient 1000 fois plus performant. C'est exactement ce qui se passe pour votre esprit lorsque vous vivez une EMI. Comment cela est-il possible, si ce n'est que votre cerveau vit sous une perpétuelle contradiction, soumission au conditionnement, au mal et à la noirceur. Et lorsque vous vous tournez vers la lumière parce que vous êtes en train de mourir, vous découvrez un cerveau infiniment plus capable, infiniment puissant. Donc votre état de cerveau de maintenant n'est que le résultat d'une manipulation de terreur, de pression, de soumission, de limitation, de croyances négatives qui vous interdit de vivre ce que vous devriez être spontanément. Il existe plein de travail, plein de travaux particuliers. J'en fais de temps en temps, j'enseigne parfois à quelques élèves qui sont avec moi pour vivre ces états de NDE, de EMI. Non pas en vivant un suicide collectif, il y a des exercices de respiration, de diminution de sommeil, ainsi de suite, pendant une semaine, 10 jours, pour vivre ces états directement, pour que vous-même, vous puissiez rencontrer directement, personnellement, cet état de EMI, sans être proche de la mort. Il y a des exercices qui existent, qu'on peut cumuler avec des exercices de panorythmie, de danse particulière, jusqu'à ce que vous ayez votre aventure personnelle. Cette rencontre personnelle avec la lumière, avec les véritables valeurs de votre identité lumineuse. Cette rencontre avec cet état christique, bouddhique. Comment as-tu aimé ? Ce n'est plus une théorie que vous lisez, c'est une expérience que vous vivez et que vous rapportez. Alors évidemment, c'est... Les états de lumière, elles sont très très dangereuses par l'état de pollution et de mensonges négatifs et diaboliques qu'est le New Age. Le New Age qui va vous faire croire que maintenant vous êtes un grand médium, que vous êtes en contact avec les extraterrestres, les anges et Dieu. Et pour bien comprendre et éviter cette folie-là, il faut vous tourner vers une certaine hiérarchie. Pour comprendre un principe de hiérarchie, vous devez comprendre que si je viens vous trouver en disant que je suis un expert d'arts martiaux, même si aujourd'hui je ne suis plus de première fraîcheur, j'ai des jambes qui sont des troncs, comme disent beaucoup de gens, des bras très puissants. Et il n'y a pas longtemps, je travaillais avec un ami ostéopathe, dont j'ai parlé l'autre fois, Mathieu Leboc, qui est aussi ostéopathe, et qui me disait « Iji, me met jamais une claque hein. ». Parce que quand il travaillait sur mon corps, il me disait « si tu me tires une seule baffe, je suis mort ben, ». Parce que j'ai un corps très très puissant. Très puissant. Le but n'est pas d'avoir un corps très puissant. C'est ce que j'ai développé dans les arts martiaux, dans la pratique, dans le tai chi, dans le kung fu. Et tout ça fait que j'ai un corps très puissant. Le but n'est pas d'avoir un corps très puissant. Mais c'est une conséquence de tout ce que j'ai appliqué et développé dans les arts martiaux, dans la pratique, dans tout le reste. De la même façon, si vous avez une certaine évolution spirituelle, vos chakras sont vivants. Et si vos chakras sont vivants, ils servent fantastiquement à l'évolution spirituelle. Maintenant, le problème, c'est que... vous pouvez vérifier l'état de vie de vos chakras par des choses simples dans la vie. Si vous n'avez pas ces choses simples dans la vie, comme de simples muscles dans mon cas, vous êtes sûr que l'état lumineux n'existe pas. Si je viens vous trouver avec des muscles assez puissants et que je vous dis que je suis un expert d'arts martiaux, mes muscles ne sont pas la preuve que je suis un expert d'arts martiaux, car je peux être aussi un footballeur ou un monsieur muscle. Par contre, l'inexistence de mes muscles, c'est une preuve assez évidente que je ne suis pas un expert d'arts martiaux. Parce que je ne peux pas être un expert d'arts martiaux en étant complètement faible et rachitique. Les muscles ne prouvent pas, mais l'absence de muscles prouve que je ne suis pas ce que je dis. Dans la spiritualité, c'est pareil. Je pourrais avoir certaines qualités qui ne prouvent pas pour autant que je suis évolué spirituellement. Mais l'absence de ces qualités, c'est-à-dire de mes muscles, des chakras, si vous préférez, de l'existence de mes chakras, prouve que ce que je dis au niveau de l'évolution de ma spiritualité est une impossibilité. Mon premier chakra, dans ses manifestations les plus simples, hein, c'est pas un but, hein, c'est comme les muscles, dans les manifestations les plus simples, mon premier chakra présent fait que je suis lié à la planète Terre. Je suis en contact avec la planète Terre et je suis respectueux de la planète Terre. Je ne peux en aucune façon accepter la pollution, la dégénérescence de la planète Terre. Et je suis lié à cette planète, je sens cette planète. Je suis présent avec la vie, avec la planète. Je suis lié à Pachamama, à Gaïa. Le deuxième chakra fait que je suis vivant. Dans mes chakras, dans la simple manifestation des muscles, c'est que je suis quelqu'un qui relève les challenges. Je suis vivant, j'ai besoin de vivre dans mon corps physique, j'ai une sexualité, une sensualité présente. J'ai des muscles présents, sans être un athlète fantastique, je suis vivant physiquement. Mon troisième chakra, dans ses manifestations les plus simples, dans ses muscles, c'est que je suis intellectuellement cohérent. Je ne dis pas une chose pour dire son contraire dans le quart d'heure qui suit. Les New Age, par exemple, ne cessent de dire le contraire de ce qu'ils disaient juste avant. Les spiritualistes, le pseudo-spiritualiste aussi. Ma quatrième manifestation, c'est l'amour. Quatrième chakra, c'est l'amour. J'adore être avec les autres. Je suis ouvert à la présence des autres. Je suis dans la fraternité. Je suis dans l'échange. Je suis excité par les autres, non pas d'un point de vue sexuel, mais d'un point de vue intellectuel, fraternel. J'aime jouer de la musique, être dans l'art, utiliser la présence des autres pour faire des choses, et pour être avec eux, et pour échanger. Je suis dans l'expansion. L'expansion de conscience, l'expansion de vie, de fraternité, d'échange, de générosité. Le cinquième chakra, toujours dans sa manifestation de muscles, c'est l'extrême générosité. On appelle ça la troisième oreille. Et ce chakra, le cinquième chakra, est un chakra qui va produire deux fois plus qu'il ne reçoit. Donc, cela fait de moi un être très généreux en toutes choses. Très généreux, j'offre, je participe, j'échange. Je suis dans la générosité complète. Le sixième chakra, c'est la clairvoyance, même dans sa manifestation la plus simple. Donc ça veut dire que j'ai une très bonne intuition, une très bonne présence, une très bonne cohérence à un niveau supérieur. Le septième chakra, c'est cet esprit de royauté. Oui, je suis prêt à me sacrifier pour les autres, je suis prêt à comprendre mon état pour moi-même et pour les autres. Et j'ai cet état de conscience, de générosité, d'échange, de donation, d'offre. J'offre profondément. Et si je n'ai pas dans ma manifestation la plus naturelle toutes ces qualités de base de chaque chakra, ça veut dire que mon chakra n'est pas ouvert, n'est pas présent. Comment pourrais-je être évolué spirituellement alors que je n'ai même pas les muscles simples, les manifestations simples de mes muscles, de mes chakras ? C'est de l'ordre de l'impossible. Basiquement, si mes chakras sont ouverts, j'ai basiquement ces qualités très présentes. Et c'est pas parce que j'ai ces qualités que je suis sûr d'avoir... Enfin, si je vois ces qualités chez quelqu'un, c'est pas pour autant sûr que cet être est spirituellement terriblement évolué. Mais s'il n'a pas ça, alors il ne peut pas être évolué. Tout comme si je n'ai pas de muscles, je ne peux pas être évolué dans les arts martiaux, par exemple. J'ai des gros muscles parce que je suis un footballeur, parce que je suis un bûcheron, parce que je me bats tous les samedis dans le café et que je travaille le reste de la semaine en tant que paysan. Donc c'est pas sûr que parce que j'ai des gros muscles, je suis un expert. Mais sans muscles, je peux pas être un expert d'arts martiaux. Sans les qualités que j'ai décrites, je ne peux en aucune façon être un être spirituel éclaté. Donc, vérifier déjà ces qualités-là chez quelqu'un. Si je ne trouve pas ces qualités-là, eh bien, c'est une impossibilité d'évolution spirituelle. Par contre, même si j'ai ces qualités-là, ça n'est pas une preuve que je suis évolué spirituellement. Mais l'absence de ces qualités-là, forcément, devrait vous inquiéter très sérieusement par rapport à vous-même ou par rapport à toute personne qui vous guide, par rapport aux qualités spirituelles, par rapport à l'avancée spirituelle. Oui, il y a dans la spiritualité une cohérence, une hiérarchie. Et il y a des choses qui sont inévitables, qu'on ne peut pas éviter dans la manifestation. Toute une cohérence pour vous permettre d'avancer vers la lumière, vers l'état bouddhique, vers l'état christique, dont je parlais précédemment dans le chapitre d'avant. Pardon, on doit apprendre. Je travaillais en anglais juste avant, donc je mélange. On doit apprendre à tout sélectionner avec le plus grand sérieux. Et on doit apprendre aussi bien dans la spiritualité que dans la politique, que dans les infos, dans tout, à apprendre partout. Par exemple, dans le dernier chapitre, je parlais du bon fin, et au bon fin, tout le monde est végétarien. Mais ils mangent de la viande, ils mangent du poisson. Du poisson, ce ne sont pas des végétaux. Donc apprendre à la théorie, Maître Omram a enseigné que les poissons, ils évoluent grâce à nous en étant mangés. Ouais. Ça craint un peu comme théorie, hein, parce que les juifs aussi, ils évoluaient dans les chambres à gaz. Et les vaches, dans les abattoirs, ils évoluent aussi. Donc là, on rentre dans des théories totalement délirantes qui nous permettent de justifier. Ben, on a le droit d'égorger des poissons parce qu'ils pleurent pas et ils font pas de cris et en plus ils évoluent spirituellement quand on les mange. Hein. C'est super cool quand même. Mais on est tous végétariens. Alors déjà, végétarien, ça vient du mot végétaux. Hein. Donc on pourrait dire, ben non, nous on n'est pas végétariens parce que on a le grand secret que les poissons évoluent quand on les tue. Mais au moins, on pourrait dire, on n'est pas végétarien. Eh bien, si, au bon fin, on est végétarien. Évidemment, ça craint. Il y a très peu de temps, là où je vis actuellement, à Atlanta, j'ai visité The Guidestone, c'est-à-dire la pierre guide of Georgia, de Georgia. Et The Guidestone of Georgia. Et. Donc c'est une pierre un peu magique, hein. C'est une pierre, d'ailleurs ce sont des pierres qui sont apparues par miracle comme ça, un jour, paf, les pierres étaient là, c'était fantastique, on ne sait pas comment elles sont arrivées. Et moi c'est ce que j'avais lu avant, hein. Ces pierres elles sont apparues comme ça, c'est un enseignement, c'est des guides, et il y a des phrases qui sont écrites dans plein de langues, dont des langues très anciennes et aussi dans plein de langues. En français, si et pas, vous êtes marron. Mais il y a en espagnol, il y a en hébreu, il y a en. Et voilà, c'est un miracle, c'est merveilleux, quoi. C'est une espèce d'entité divine qui a apporté ça, comme ça, au milieu de nulle part. Ben, quand on y va, c'est pas du tout au milieu de nulle part, hein, c'est juste à côté de la route. Il y a juste un parking, il y a les pierres qui sont juste là. Ça peut être livré en camion, hein, il n'y a aucun problème. Le truc qui est juste à côté, c'est complètement plat, donc il n'y a aucun problème d'amener le camion jusque-là et de livrer les pierres là. Déjà, c'est beaucoup moins divin. Ensuite, c'est bourré de fautes d'orthographe. Dans plein de langues différentes, c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc, les guides, là, ils ont pris un petit coup de vieux. Et puis, il y a quelque chose, par exemple, qui est d'ailleurs repris par les maîtres du monde, hein, c'est que, étrangement, c'est le même enseignement, hein, sur The Guidestone et par les maîtres du monde, comme Bill Gates, par exemple, on devrait atteindre 500 millions de personnes sur la planète Terre. Plus après, ça va pas, hein, parce que à cause de la nourriture, de la pollution et ainsi de suite, on peut pas. Donc c'est raisonnable, quoi, de dire, bon, c'est vrai qu'on est 7 milliards et demi, donc on va devoir tuer 7 milliards de personnes. C'est un petit peu embêtant. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème, quoi. C'est raisonnable de dire on devrait être 500 millions parce qu'on ne peut pas fournir plus. Et d'ailleurs, actuellement, on se bat pour nourrir tout le monde. Il y a quand même la moitié de la planète Terre qui meurt de faim, quand même, hein. Donc, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour et 1 milliard et demi qui vivent avec 2 dollars par jour. Donc, avec tout ça, tout inclus, je veux dire, ils crèvent de faim, hein. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui crève de faim. Et en plus, parce qu'on a de plus en plus de monde, tous les ans, on coupe la valeur de la moitié du territoire national français de forêt. La moitié de la France, chaque an, on coupe, et un peu plus chaque année, bah, pour pouvoir manger, hein. C'est obligé, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que... On devrait descendre à 500 millions de personnes. Alors permettez-moi de vous présenter quelque chose qui est tout à fait officiel, statistique officielle de la réalité. Si je prends la superficie de la planète Terre, il y a 21% de terre ferme pour 71% de mer, océan, ainsi de suite. Sur ces 29% restants, si je refais 100% de ces 29%, il y a étrangement l'inverse, c'est-à-dire 29% de terres inutilisables et 71% de terres utilisables. Donc les 29%, ce sont les déserts et les montagnes trop hautes. Bah, déjà, il faut savoir que c'est une frotte. Évidemment, proportion surtout de désert, et que Kadhafi, hein, étant Kadhafi, le méchant Kadhafi, eh ben, il a irrigué les déserts, hein, dans son pays, qui sont devenus des trucs très productifs. Donc, si Kadhafi l'a fait, on pourrait peut-être y arriver, quoi. Hein, si on a, allez, sur 29%, disons, 15, 20%, 15%, disons, de désert, c'est pas mal quand même, hein, avant de couper toutes les forêts. En sachant en plus que la forêt attire l'humidité, c'est-à-dire que plus on déboise et plus on assèche la terre. Parce que les forêts attirent les nuages et donc c'est un phénomène purement climatique. Plus il y a de forêt, plus il pleut, ainsi de suite. Moins il y a de forêt, moins il pleut. Donc si on replantait des arbres dans le désert, qu'on les irrigue correctement pendant une vingtaine d'années, 15 ans à peu près, suffisamment de superficie, comme des carrés de 3-4 km, et ben après il se met à pleuvoir, la forêt attire la pluie. Et l'eau fait retourner le désert en plantation viable, et ainsi de suite. Mais bon, on va oublier ça. On va garder les 71%. Et sur les 71% qui restent, on va les retransformer en 100%. 71% habitables, enfin utilisables, on va les retransformer en 100%. Sur ces 100%, il y a 50% pour la nourriture. 38% de ce territoire est utilisé, donc sur les 100%, 38% est utilisé pour la viande et les animaux, c'est-à-dire nourrir les animaux et la viande. Et il reste 12% pour la nourriture végétalienne. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas végétalien, tout ce qui est maïs, et ainsi de suite, c'est quand même végétalien. Même si vous allez mélanger avec d'autres choses. Et les 38% qui sont utilisés pour la viande, ils vont nous apporter 12%. 12% de ce que les humains peuvent assimiler et manger. Tandis que des 12% restants, de la nourriture végétalienne, ça nous apporte tout le reste de la nourriture. Donc déjà là, dans les statistiques, il y a un problème, parce que si la viande est si puissante et ainsi de suite, dans tous les éléments nutritifs que nous avons, nous n'en tirons, enfin ceux qui mangent de la viande, que 12% de la nourriture mondiale. Tandis que tout le reste va dans les 12% restants. Donc là, la théorie de la viande qui est si riche, et ainsi de suite, ça ne va plus du tout. Sur ce territoire qu'on peut utiliser, il y a 1%, je dis bien 1%, utilisé pour les humains. En fait, si on regroupait tous les humains, sans les guerres, sans les obsessions de possession des animaux, et ainsi de suite, on pourrait mettre l'humanité entière dans le Texas, dans un seul État des États-Unis. L'humanité entière dans le Texas. Donc le problème de surpopulation avec les 500 millions d'habitants existants, pouf, c'est une plaisanterie. Mais il faut savoir encore autre chose d'encore plus drôle, c'est qu'avec les 12% que l'on a de végétaux, on oublie totalement les 38%. On les laisse tomber. On garde que les 12%. Et avec ces 12% que l'on fait de nourriture végétalienne, de céréales, on peut nourrir 12 milliards d'habitants. Eh oui, beaucoup plus que ce que nous sommes. En d'autres termes, pour nourrir tout le monde aujourd'hui, il ne nous faudrait que 8% de céréales, de la superficie habitable. Donc nous gaspillons 42% pour rien. Pour la viande, totalement inutile. Pour l'assassinat, pour le carnage, toutes les pollutions qui développent de tout ça, parce que la viande, c'est ce qui développe le plus de pollution. Et après, on va se dire, mais alors attends, ça marche pas, Eiji, parce que on nourrit pas 12 milliards. Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple. Ici, aux États-Unis, 40% de la nourriture américaine est jetée à la poubelle. 40%. Pourquoi? Bah parce que les fruits sont pas assez gros, parce qu'ils sont pas assez vendables, parce que ça correspond pas à la demande, parce que il y a beaucoup de choses qu'on perd, ainsi de suite, et qu'on jette. Et si on les donnait, bah ça casserait le marché, donc on les donne pas. Donc il y a 40%, et on peut chaque année remplir près de 2000 stadiums de nourriture. Donc évidemment, complet quoi. Donc évidemment, avec ça, ben les 12% ne suffisent pas. Et ça, c'est un exemple aux États-Unis. C'est la même chose dans tous les autres pays. Si on n'est pas obsédé par l'argent dans notre société, avec nos 12% actuels, nous pouvons nourrir 12 milliards d'habitants. Alors il nous reste nos 38%, qu'est-ce qu'on va faire avec? Déjà 12 milliards, on n'avait pas, donc on n'a pas besoin de tant que ça. Allez, on va arrondir à 10 milliards pour être sympa. Donc il nous reste 40%. Qu'est-ce qu'on fait avec 40%? Ben, disons qu'on en redonne 20% à la nature pour la diversité animale qui est absolument nécessaire pour notre survie mondiale. Et puis on irrigue les déserts aussi, alors on a encore plus. On se retrouve avec au moins 35%. Qui retourne à la nature. Et il nous reste encore 20%. 20%, c'est 20 fois ce qu'on utilise pour vivre actuellement. C'est un petit peu comme si on recevait en cadeau 20 planètes Terre. Souvent, on dit, ah, oh, pour survivre, il faudrait envahir une autre planète, ainsi de suite. Ben, attendez, à notre disposition sur la planète Terre, il y a 20 planètes Terre à notre disposition, ou 30 planètes Terre, si on veut être un peu avare avec la nature, et on leur donne encore beaucoup. Et étrangement, de tout ce gaspillage américain, de toute cette nourriture gaspillée, de toute cette pollution, de tout ce sang qui coule pour rien, eh ben ceux qui ont fait de Guidestone, ils sont pas au courant de tout ça, dites donc. Ils disent qu'on doit descendre à 500 millions d'habitants. Alors c'est vrai qu'à un moment, il faudrait apprendre à arrêter de se reproduire comme des petits lapins. Mais pourquoi est-ce que les gens se reproduisent comme des petits lapins? Tout simplement. Parce que les gens n'ont rien à vivre. Rien. Ici, aux États-Unis, c'est hallucinant. Les gens travaillent et ils n'espèrent qu'une seule chose, c'est le week-end. Le week-end, ils boivent, ils font des parties, ils essayent d'oublier leur week-end et le lundi, ils repartent travailler. Ils n'ont pas une minute pour ouvrir un livre, pour un peu de culture. Le peuple américain est encore plus stupide que tous les autres peuples que j'ai jamais pu rencontrer sur la planète Terre. Même des peuples très pauvres comme les Bulgares ou les Roumains sont infiniment plus intelligents que les Américains, qui ont tout d'un point de vue matériel, mais qui n'ont rien d'un point de vue même intellectuel et encore moins spirituel. C'est un désastre total. 87% de la fortune mondiale est possédée par 10% de la population mondiale. En d'autres termes, pour essayer de vous expliquer, quand vous travaillez 8 heures, s'il y avait une liberté de circulation monétaire et de valeur mondiale, tout le monde vivrait très bien en travaillant une heure par jour. Donc vous travaillez 7 heures par jour pour ces 10% qui ont toute la fortune mondiale. Vous héritez de véritables valeurs de votre travail que d'une heure sur 8. Le reste va aux grandes fortunes mondiales. Et quand on comprend tout ça, on comprend que ces gens-là, ils doivent vous maintenir dans une obscurité et dans une noirceur totale. Car si vous commencez à vous éveiller à vos capacités et à la capacité de l'humanité de s'entraider, de s'aimer et de se protéger, les maîtres du monde ont tout perdu du jour au lendemain. Regardez le film La Belle Verte et vous aurez une petite idée. Même si c'est un film un peu poétique et mignon, ça vous donne quand même une bonne idée de la révolution qui peut être possible. Donc, pour travailler sa lumière, il faut comprendre que nous grandissons dans un monde totalement noir et obscur. Et que pour s'éveiller à la lumière, il faut s'éveiller à démasquer l'obscurité. Et à comprendre que nos parents et nos grands-parents et l'école et notre pays ne font que nous mentir, mais qu'ils nous mentent par rapport à des choses qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes démasquer. Ce sont des victimes de victimes de victimes de victimes de victimes. La véritable initiation, c'est de briser la chaîne. D'Olto disait, si vous ne voulez pas être le bourreau de vos enfants, cessez d'être la victime de vos parents. C'est une chose simple à comprendre. Et c'est la même chose pour vos parents, pour votre famille, pour votre société, pour tout ce qui vous entoure. Et quand en même temps vous comparez votre système analytique, votre cerveau, votre ordinateur classique, votre PC classique, qui est incapable de tourner comme un ordinateur quantique, qui peut prendre tous les problèmes en même temps et les résoudre tous, d'après les principes quantiques, qui sont finalement complètement interdits dans notre monde, interdits de penser vers la lumière, interdits d'avoir une pensée libre et harmonieuse, interdits d'être en paix avec soi-même et avec ses capacités. Nous comprenons que lorsque notre cerveau tourne normalement, sans toutes ces guerres, sans toutes ces pressions, nous sommes en capacité d'être en contact avec le cosmos, d'être en contact avec la planète, d'être en contact avec la vie et les animaux, d'être en contact avec nos frères et sœurs de la planète Terre, et même avec nos frères et sœurs d'autres planètes. Et nous sommes en capacité d'être en contact avec les entités autour de nous, que nous appelons les anges, les guides. Évidemment, toute cette ouverture, tout ce réseau qui s'ouvre à nous et en nous, nous fait partir de tout cet esclavagisme, cette soumission, cette noirceur. Et il faut bien comprendre que pour les maîtres du monde, ils ont tout à perdre. Il ne faut surtout pas que vous puissiez vous éveiller. Jamais. Très souvent, il est enseigné que d'être avec la lumière, c'est être faible. Or, si on fait quelques recherches historiques, on saura que Jésus, en tant que personnage, était un maître du fouet qui le manipulait d'une façon magistrale. Que Moïse était un super combattant. Que Bouddha était un super champion des combats. Que Lao Tseu était un super combattant. Et étrangement, toutes ces choses-là n'apparaissent pas. C'est comme si être vers la lumière, c'est être faible, c'est être une victime. Mais être une victime dans un monde obscur, cela veut dire être obscur. C'est inévitable. Dans notre monde, hein, qui est un monde noir et diabolique, contrôlé par le mal, qui ne cesse d'envahir toute chose et votre esprit en premier, si vous n'êtes pas un combattant, vous êtes tourné vers le mal. Vous n'avez jamais démasqué votre famille, jamais démasqué votre société, jamais démasqué quoi que ce soit. Vous êtes juste faible, soumis, acceptant, raisonnable, Et croyez-le bien, dans ce monde déraisonnable, il n'y a rien de plus déraisonnable que d'être raisonnable. Hier, j'étais en salle de musculation pour m'entraîner et il y avait une amie qui était avec moi qui me disait, c'est incroyable, il n'y a pas une personne qui ne soit pas avec son portable. Donc, ils sont là en train de faire des mouvements complètement bidons parce qu'ils font sur un poids minimum et avec une seule main. Enfin, c'est lamentable de cinéma. Et ils sont tous en train de taper des messages et ainsi de suite. Qui ne sont même pas des messages intellectuels, qui sont des débilités. Pour papoter avec quelqu'un avec qui je ne parlerai pas demain au bureau. Mais maintenant, dans ma salle de muscule, pour montrer que je suis très important, je suis avec mon portable. En tant qu'ostéopathe, nous parlons maintenant de pathologie de téléphone portable. Parce que les gens ont toujours la tête baissée en train de regarder leur téléphone. C'est hallucinant. Et en parlant, par exemple, de musculation, j'essaie de vous apporter quelque chose qui est une preuve, si vous le croyez, évidemment. Et pour ça, je vais vous expliquer quelque chose par rapport au diabète. Et là, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu technique. Donc, je vais expliquer très rapidement. Quand vous êtes diabétique, vous ne fabriquez plus d'insuline par votre pancréas, qui est donc l'organe normal. Donc, vous allez injecter cette quantité. Cette quantité d'insuline, elle va transformer le sucre en énergie pour votre cerveau, pour vos organes, et ainsi de suite. Par contre, il y a un danger parce que lorsque vous pratiquez du sport, vos muscles sont capables de pomper le sucre directement sans passer par l'insuline. C'est le seul système, le système musculaire, qui peut prendre le sucre directement jusqu'à un certain taux. Et donc, il y a un danger parce que vous allez calculer une certaine quantité d'insuline que votre corps a besoin pour transformer une certaine quantité de sucre que vous absorbez journalièrement pour la transformer en énergie pour votre survie. Mais ce que vous allez faire comme effort physique va dévorer beaucoup plus de sucre et quand votre insuline va agir pour tourner le sucre en énergie, il n'y a plus assez de sucre et vous avez ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et une hypoglycémie à un taux très bas, ça peut être très dangereux et mortel dans les minutes qui suivent. Donc, quand on fait du sport, on dit toujours de faire très attention et d'avoir du sucre avec soi. Or, je suis un cas à part, parce qu'à chaque fois que je fais du sport, j'ai une hyperglycémie, c'est-à-dire une énorme quantité de sucre qui arrive de nulle part. Et ça, c'est un fait scientifique totalement impossible. On dit non, attendez, c'est pas possible. Parce que c'est un petit peu comme si vous disiez que vous avez une voiture avec un demi-plein, vous faites 300 km et votre voiture est pleine d'essence, un réservoir. C'est impossible. L'utilisation que mes muscles vont faire du sucre fait que je n'ai plus du tout de sucre après, que je vais avoir une méchante hypo, un manque de sucre, parce que trop d'insuline avec ce que mes muscles vont consommer. Or, c'est le phénomène radicalement inverse qui se passe. C'est impossible. Alors j'ai fait des recherches parce qu'il y a toujours une explication. Et j'ai fini par être en contact avec un endocrinien qui m'a expliqué « Non, si vous êtes ultra combattant, si pour vous l'effort physique est assimilé comme code de survie, ce qui est mon cas parce que j'ai toujours pratiqué les arts martiaux, j'ai toujours combattu, je n'ai jamais accepté de me soumettre, je suis un combattant même physique dans les arts martiaux et autres, eh bien pour moi, même la musculation, qui n'est quand même pas très agressive, hein, parce qu'il n'y a pas un poids qui se jette sur vous pour vous tuer, l'effort physique, d'abord je me donne à fond quand je travaille, je pousse au maximum, le plus lourd, le plus fort, le plus intense, le plus rapidement, et là, mon corps assimile ceci comme une survie. Et dans un code de survie, vous allez libérer de l'adrénaline. Et l'adrénaline libère ou contient énormément de sucre, parce que le sucre permet, pour une personne normale, à faire face à un stress énorme, à courir, à survivre, ainsi de suite. Donc le code de survie, l'adrénaline que va libérer votre corps dans un code de survie, libère aussi énormément de sucre pour pouvoir faire face à une situation intense. Et c'est l'explication. Je suis tellement entraîné à me donner à fond pour me battre, pour survivre, pour vaincre, que même en faisant de la musculation, au lieu d'avoir une hypoglycémie, j'ai toujours une hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre. Et à un moment dans mon entraînement, je suis obligé de m'arrêter et de faire une dose assez importante de sucre, d'insuline, pardon, pour combattre la vague énorme de sucre qui arrive à cause de l'adrénaline. Il y a très peu de cas dans le monde de gens comme moi. Et ceci, quand ça influence la sécrétion de vos glandes, c'est que vous ne mentez pas. C'est que votre système est un système de combattant, pas un système de soumis. Pour moi, l'effort physique, déjà, n'est pas faible. Je ne peux pas m'entraîner faiblement. Je me donne à fond. Et quand je me donne à fond, j'ai un tel esprit de survie, de combattant, que mon corps libère les glandes nécessaires à la survie dans un combat. Et pour avoir éduqué mon corps à ce point-là, croyez-le bien, c'est totalement présent dans mon esprit. Et quand vous avez cet esprit de combattant, alors vous démasquez tous les mensonges. Alors vous avez la force d'esprit pour voir toutes les vérités. Vous avez l'honnêteté et la force de reconnaître les obscurités en vous et de les rejeter. De reconnaître les obscurités qui cherchent à vous envahir, les mensonges sur la diététique, sur la nourriture. Et s'il vous faut, pour être avec la vérité, être rejeté de tous, ça n'a aucune importance. Parce que nous n'abandonnons pas, nous ne nous inclinons pas, nous n'avons pas peur d'être rejetés. Nous n'avons qu'une seule force, c'est la force de la lumière. Je suis un combattant de la paix, un combattant de la vérité, un combattant de la justice. Et à chaque fois que je verrai un mensonge, une injustice, je combattrai ça. Et ce faisant, j'apprends tant de choses, et sur moi, et sur mon environnement. Et toutes ces choses que vous ne pouvez pas voir autour de vous, toutes ces diableries, toutes ces monstruosités qui existent, que vous ne voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas la combativité qui vous permet de vous dresser et de voir la vérité. Mais si vous preniez position, vous verriez tant de choses. Les gens utilisés, affamés, détruits, massacrés, vous les verriez partout. Et vous diriez, bien entendu, Iji, mais bien entendu. Quand je parle de programme national, bien des gens me disent « Oh, Iji, tu fais une généralisation, c'est trop facile. » Pourtant, en Amérique, dans les saunas, les gens sont habillés. Je plaisante pas, hein. Ils sont tenus d'entraînement, ils sont habillés. Ah oui, parce qu'on ne va pas se déshabiller, les gens pourraient voir quelque chose de notre corps. C'est la pathologie américaine. Donc la pathologie américaine, elle est, on doit être les plus beaux, les plus grands, les plus merveilleux, les plus sensuels possibles. Mais en même temps, on est tellement traumatisé par cette sensualité qu'on cache son corps jusqu'au dernier centimètre. Et si je vais dans un autre pays, je vous parlerai d'un autre programme et d'un autre programme. C'est tellement flagrant. Mais évidemment, si vous restez dans votre pays et que vous ne parlez que votre langue, comment pourriez-vous être au courant de la programmation nationale? Car en fait, la programmation nationale qui est autour de vous, c'est la programmation nationale qui règne en vous. Comment pourriez-vous démasquer ceci? Mais si vous parlez plusieurs langues et vous parlez dans plusieurs pays, vous dites « Oh mon Dieu, c'est tellement caricatural, ça ou ça. » C'est tellement caricatural. Mais pour faire cette différence, si par exemple vous mangez de la viande, vous auriez l'impression que d'être végétarien ou végétalien, c'est très facile. Mais si vous êtes végétalien, vous allez vous apercevoir qu'il y a un très fort racisme envers les végétaliens. Que partout on essaie de vous dire « Allez, mange ça, ça te fera du bien. » Qu'on essaie de vous rééduquer pour manger de la viande. Que dans plein d'endroits, on refuse de vous servir pour un repas végétalien. Combien de fois j'ai été dans un restaurant et je dis « Vous êtes sûr, votre soupe est végétalienne ?» Ils disent « Oui, bien sûr, bien sûr. » Et comme je n'ai aucune confiance, je dis « Vous êtes certain, parce que j'ai une allergie. Hein. Si j'ai quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit là-dedans qui soit tourné vers la viande, je peux avoir une allergie, une crise. » Et je serai en très mauvais état et croyez bien que je vous attaquerai en justice après. Et là, le garçon pâlit un petit peu, dit, il reprend l'assiette de soupe et dit, attendez, je vais vous apporter autre chose. Combien de fois ça m'est arrivé? Mais des dizaines de fois. Mais comme vous n'êtes pas végétalien, vous savez pas. Donc vous avez l'impression que le végétalisme est accepté partout. C'est la même chose pour toutes les choses en vous. Toutes ces choses que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir, parce qu'elles sont autour de vous, mais aussi en vous. C'est quand elles ne sont plus en vous que vous vous éveillez et que vous dites, oh mon Dieu! Beaucoup de gens cherchent à aller dans un groupe comme la Fraternité au Bon Fin, l'école de Maître Amram Mikhaïla Ivanov et d'autres groupes. Ils cherchent à aller là parce qu'ils ne sont pas capables d'affronter la vie. Or, l'idée du travail, ce n'est pas de fuir la vie de la société parce qu'on n'est pas capable de l'affronter et on va se cacher dans un groupe ou dans une secte. Non. On va vers un groupe parce que notre vie dans la société est insuffisante et que l'on peut faire infiniment plus. Et en étant avec des gens qui ont envie de infiniment plus, ensemble, nous faisons des choses infiniment grandes et merveilleuses. Il ne s'agit pas d'une fuite. Il s'agit d'un endroit où on s'entoure de gens capables. Et elles sont capables parce que eux-mêmes sont unis avec eux-mêmes. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de guerres intérieures. Ah, j'aimerais faire ceci, mais est-ce bien, est-ce mal? J'aimerais être généreux, j'aimerais être courageux, mais je n'ai pas la force ou les muscles. J'aimerais me concentrer, mais je n'ai pas la capacité intellectuelle. Conflit contre conflit, contre conflit, contre conflit. On reste perpétuellement à se battre avec soi-même. Et donc on est bien incapable d'écouter les autres aussi. Comment pourrais-je le faire alors que ma tête et mon cœur sont en telle guerre que je n'arrive pas à m'entendre moi-même? Mais une fois que je suis en paix avec moi-même, en unité avec moi-même, j'établis une sérénité, une facilité, une efficacité. Il n'y a plus d'opposition. Je vais apprendre une langue étrangère, je l'apprends. Je vais apprendre un instrument de musique. J'apprends à jouer cet instrument. Et je ne suis pas là en train de dire, oh, mais je suis tellement mauvais, j'ai une tellement mauvaise concentration, ah, je n'ai pas de liberté pour faire des improvisations. Je n'ai... Sois en paix avec toi-même. Laisse la vérité de la lumière unir tout en toi et dans toutes tes capacités. Puis, lorsque tu es en paix avec toi-même, rencontre des gens qui sont en paix avec eux-mêmes. Soit en fraternité avec ces gens. Et ensemble, unissez-vous pour faire des choses encore plus fantastiques, aider des gens dans le monde, agir et ne jamais accepter l'obscurité. Et ce faisant, vous avez cette immense capacité de grandir parce que vous agissez pour la lumière. Et qu'en ce faisant, vous découvrez perpétuellement de nouvelles choses à faire et à accomplir. Travaillez à vous découvrir vous-même. Comme je le disais, il existe, en tout cas moi je possède ça, des méthodes pour vraiment vivre cette EMI. Pour rencontrer ce qui est en vous. Développer par exemple le fait, un truc tout bête, hein, de boire énormément avant d'aller vous coucher. De l'eau, du n'importe quoi que vous aimez, pas d'alcool, mais d'une façon massive. Éviter les boissons trop sucrées qui vous assomment. Beaucoup d'eau, un peu de jus de fruits mélangé à beaucoup d'eau. Évidemment, vers les 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, vous allez vous réveiller pour faire pipi. Et quand vous allez vous réveiller pour ça, ce n'est pas un réveil violent. Et vous allez immédiatement écrire ou enregistrer 2 ou 3 phrases pour vous souvenir de vos rêves dont vous venez juste de sortir. Vous réveillez doucement, tranquillement, avec votre biologie. Puis vous allez faire pipi et quand vous revenez, vous enregistrez ou vous écrivez tous les détails de votre rêve. Et si vous avez bien bu, ceci risque de vous arriver deux fois dans la nuit. Et deux fois, vous allez écrire. Et le matin, en vous réveillant, vous allez faire la même chose. Et très rapidement, vous allez découvrir que vous pouvez vous souvenir de beaucoup de choses et que vos rêves sont fantastiquement intéressants et merveilleux. Et si vous travaillez votre évolution de lumière en même temps, que vous êtes en paix avec vous-même, plus de cauchemars, plus de terreurs, plus encore. Vous allez vous endormir au bout d'un moment en décidant que vous allez faire des choses. Par exemple, vous avez dans votre jardin un arbre, vous allez regarder cet arbre, puis ensuite vous allez aller vous coucher, et pendant votre rêve, vous rêverez que vous grimpez à l'arbre. Mais ce ne sera pas simplement un rêve, vous serez à un moment devant l'arbre et vous direz « je vais monter mes bras, je vais poser mes pieds, je vais grimper ». Vous allez contrôler ce qu'on appelle votre corps de rêve. Et ce faisant, vous développez des capacités fantastiques en vous. Vous vous rencontrez vous-même et vous allez découvrir votre force, votre pouvoir, votre lumière, votre intuition. Et en faisant tout cela, vous pouvez apprendre d'autres choses encore. Vous allez vous endormir en décidant que vous allez rencontrer un être de lumière qui va vous enseigner des choses, vous préparer des questions. Et vous allez recevoir l'enseignement dans vos rêves. Et vous allez vous réveiller avec des révélations fantastiques et merveilleuses. Vous pouvez aussi, dans la journée, vous concentrer, mettre une musique qui vous inspire, vous relaxez, et puis ensuite, vous méditez, vous prenez un stylo que vous laissez courir sur la feuille en faisant des petits ronds, des petites vagues, des petits dessins, et vous essayez de recevoir un message, et à un moment, votre stylo va s'animer, et vous allez commencer à écrire des choses. Et regardez ce qui est écrit après, découvrez ce qui est écrit, et travaillez en parallèle ce qu'on appelle l'écriture automatique, le contrôle des rêves, la mémoire des rêves et le contrôle du corps de rêve. Et surtout, surtout, travaillez la paix et la sérénité en vous. L'unité en vous. La certitude d'avoir droit à la lumière et à la vérité. Quelles sont les choses que vous allez pouvoir développer en vous, dans vos capacités, dans vos mémoires, dans vos intuitions, dans votre amour, dans votre unité? Ce que vous pourriez découvrir en démasquant le mal et en acceptant la lumière dépasse tout ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves les plus fous. Cessez la guerre en vous-même. Écoutez les forces divines qui sont en vous. Manifestez ces forces divines. Soyez heureux de les manifester. Soyez heureux de les échanger avec les autres, de contacter les autres au niveau du plan divin. Rejoignez un état christique, un état bouddhique. Libérez en vous la sérénité qui vous permet de libérer toutes les hormones qui vous permettent d'orchestrer votre corps vers une évolution de lumière, de paix et de sérénité. Découvrez votre Bouddha intérieur. Découvrez votre Christ intérieur, votre état christique, oint intérieur. Et ce faisant, vous découvrirez aussi, pour vous et pour les autres, la quantité gigantesque d'obscurité et de manipulation qu'il a fallu pour freiner en vous toute cette force divine. Vous êtes, chacun d'entre vous, des êtres de lumière merveilleux et fantastiques. Tout ce qui ne vous autorise pas aujourd'hui à être divin, ce sont des choses diaboliques, qui vous ont été bourrés dans le crâne et dans l'estomac sans vous demander votre avis, pour vous obliger à croire à tellement d'obscurité que votre force de lumière si puissante, si merveilleuse, ne se manifeste pas. Et la révélation de votre force de lumière vous révèle la quantité d'obscurité qu'il vous a fallu accepter et assimiler pour freiner la manifestation de votre divinité. Lorsque vous êtes en paix, vous vous souvenez de toute chose, vous pouvez aimer tout le monde, vous vous souvenez de vos rêves, vous avez accès à des connaissances intuitives fantastiques, vous avez accès à des capacités intellectuelles fantastiques, vous avez besoin de dormir 3-4 heures par nuit, vous mangez peu, vous n'êtes jamais fatigué, vous êtes capable de grandes choses, de choses merveilleuses, vous êtes terriblement intuitif, créatif, vous n'êtes jamais effrayé, et vous avez accès à toutes ces connaissances, toute cette certitude de foi et de lumière, toute cette capacité merveilleuse qui est en vous, qui est là à votre disposition. Seul le voile de l'obscurité et de la manipulation vous interdit de l'utiliser. Rien d'autre. C'est là, à votre service. Ça a toujours été là. Regardez la beauté d'un enfant, sa pureté, sa simplicité. C'est ce que vous êtes, avec en plus l'expérience et la connaissance et l'inspiration de la lumière que vous avez été capable d'intellectualiser pour l'appeler totalement. Si vous ne visualisez pas ce qu'est votre lumière, vous ne pouvez pas l'appeler dans toute sa gloire et dans toute sa luminescence. Étudiez pour savoir, accomplissez pour pouvoir et agissez pour manifester Dieu. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Soyez dans cette plénitude de la vie, dans cette plénitude de la lumière manifestée, c'est-à-dire de vous-même en tant qu'âme manifestant la gloire de Dieu, l'amour de Jésus, la vérité de Bouddha, la vérité, la pureté, l'intensité, l'immortalité de la lumière. Oh, physiquement, vous mourrez. Votre corps n'existera qu'un certain temps. Mais votre conscience lumineuse, liée à cette lumière que vous allez rencontrer, qui vous dira « Comment as-tu aimé ?» Et vous répondrez « Comme toi, mon frère, dans toute sa vérité et dans toute sa gloire. » Et là, vous êtes immortel.